Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, la jeune génération du cinéma français. Dans le sud de la France, Marc, marié et père de famille, mène une vie confortable d'agent immobilier. Au hasard d'une vente, il rencontre une femme au charme envoûtant, dont le visage lui est familier. Il pense reconnaître Cathy, l'amour de ses 12 ans, dans une Algérie violente, à la fin de la guerre d'indépendance. Bonjour, j'avais peur de vous rater. Tu me reconnais ? Oui. Cathy, j'étais amoureux de toi. T'avais ça ? Tu sais de qui on m'a parlé l'autre jour ? De Cathy, la petite fille qui habitait en face de chez nous, tu te souviens ? Elle est morte, cette petite fille. Bah, je te dis que c'est pas vrai. Vous êtes gauchère ? Je voudrais voir Madame Mandonato, s'il vous plaît. Cette femme, tu la connais ? Mandonato ? Non. Tu veux faire quoi maintenant ? La dénoncer à toutes les brigades de France. Si tu veux pas être avec nous, tu pars. Tu es où ? Nulle part. Maintenant, tu t'en vas, ne cherche plus à me revoir, à rien. Je t'interdis, tu m'entends, Marc ? Un balcon sur la mer, un très beau film de Nicole Garcia avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Sandrine Kiberlin, Claudia Cardinal, Michel Aumont. Un DVD Fox Pathé Europa.